Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message d'annonce pour vous rappeler que ce samedi 6 mai, c'est la soirée de célébration des 100 épisodes de Fin du Game et vous êtes toutes et tous cordialement invités. On se retrouvera donc à partir de 17h au Reset Bar dans le 1er arrondissement de Paris. La bonne nouvelle, c'est que le Reset Bar, a priori, nous a privatisé l'ensemble du bar, donc voilà, on aura tout le bar juste pour nous, on va pouvoir faire rentrer un maximum de monde, donc ça s'annonce très très cool, on est impatients de vous rencontrer, que ce soit moi, Maxime ou Benoît, et puis évidemment on est aussi impatients que vous puissiez vous rencontrer, voilà, que tous les gens qui écoutent Fin du Game se réunissent dans un seul endroit, c'est vraiment ce qui nous excitait avec ce projet, et on espère que ça va bien se passer. Et puis pour celles et ceux qui ne pourront pas être là, sachez déjà que ce n'est que partie remise, si ça se passe bien, on réitérera évidemment l'événement, et puis sinon on vous dit à dans une semaine pour un nouvel épisode de Fin du Game. Bye!